إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، mes bien chers frères, on se retrouve en cette nuit pour méditer sur une exhortation et une recommandation immense de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celle-ci nous est rapportée par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé par Allah que le croyant faible. Et dans chacun d'eux, il y a du bien. Veille à ce qui est profitable pour toi, implore l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe donc du mérite du croyant fort, qui est meilleur et plus aimé par Allah que le croyant faible. On se demande donc, qui est le croyant fort? Qui est ce croyant qui est meilleur et plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est celui à la grande force physique, qui serait meilleur et plus aimé que celui qui est moins fort physiquement? Bien sûr que non, car la force physique, elle n'est pas forcément louable, elle n'est pas forcément profitable pour la personne. Au contraire, il se peut même qu'elle soit nuisible, dans le cas où l'homme l'utiliserait dans les péchés, dans la désobéissance à Allah, dans l'injustice envers les autres, comme en étant violent envers les personnes faibles. Violent envers son épouse, violent envers ses enfants, ou violent envers les faibles parmi les gens. Donc celui-ci, sa force physique, ne lui serait d'aucun profit, au contraire, elle ne lui est que nuisible. C'est pour cela que les gens de science, rahimahumullah ta'ala, ont dit que la force physique n'est ni louable ni blâmable en soi. Si tu es doté de force physique, et que tu utilises cette force dans ce qui est profitable pour toi, ici-bas et dans l'au-delà, parmi les œuvres mondaines, ou parmi les œuvres de bien par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ta force sera louable. Mais si tu l'utilises dans les péchés, si tu l'utilises dans la désobéissance à Allah, dans les mauvaises actions, alors ta force sera blâmable et elle sera nuisible pour toi. Donc qui est le croyant fort qui est meilleur et plus aimé par Allah? La réponse, mes frères, est que le croyant fort, c'est celui qui est fort dans sa foi, celui dont la foi est forte, de sorte à ce qu'elle le pousse à accomplir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, à ne délaisser aucune de ses obligations, à être assidu à ses 5 prières, à verser sa zakat obligatoire, à jeûner son mois de Ramadan, à faire son pèlerinage obligatoire, à être bon envers ses parents, à ne pas être malfaisant envers eux, à être bienfaisant envers ses proches, envers sa famille, envers son épouse, envers ses enfants, envers ses voisins, et ainsi de suite. C'est lui le croyant fort. C'est celui-ci qui est meilleur et plus aimé par Allah. Car il fait tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Il ne délaisse pas ses obligations. Et plus encore, la force de sa foi, elle le pousse à quoi? Elle le pousse à faire suivre ses obligations d'œuvres surrogatoires autant que possible. Les prières surrogatoires, les rawatib, la prière de nuit, salat al-duha, les aumônes surrogatoires, les aumônes pour la mosquée, pour les nécessiteux, et ainsi de suite. Le jeûne, le lundi et le jeudi, 3 jours par mois, les 6 jours de Shawwal, etc. parmi les œuvres surrogatoires. Et cela lui permet d'obtenir l'amour d'Allah. Comme il est venu dans un autre hadith, le hadith al-Qudsi. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une œuvre que je n'aime plus que ce que je lui ai prescrit, les œuvres obligatoires. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires. Jusqu'à que quoi? Jusqu'à ce que je l'aime. Celui qui est assidu à ses obligations et qui fait suivre ses obligations d'œuvres surrogatoires. C'est lui le croyant fort et il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le croyant faible, celui à la fois faible et déficiente, il se peut qu'en raison de la faiblesse de sa foi, il en vienne à négliger ses obligations. Il se peut qu'il ne soit pas assidu à ses 5 prières, qu'il en fasse sortir certaines de leur temps, parfois peut-être pour des bienvilles de ce bas monde, en raison d'un travail, en raison d'études ou je ne sais quoi. Il se peut qu'en raison de la faiblesse de sa foi et de son avarice, Il refuse de verser sa zakat obligatoire ou alors qu'il cherche à en diminuer le montant, à en sortir le moins possible. Il se peut que la faiblesse de sa foi le mène à négliger son jeûne, à ne pas adopter un comportement convenable lorsqu'il jeûne, et ainsi de suite. Et bien évidemment, la faiblesse de sa foi le pousse à négliger les œuvres surérogatoires. Il va négliger la prière de nuit, il va négliger les rawatib, il ne va pas donner de l'importance à la veillée durant ses nuits méritoires, par exemple, en raison de la faiblesse de sa foi. Si tu ressens cela, si tu ressens un manque d'enthousiasme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces moments méritoires, comme ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, sache que ceci provient d'une faiblesse de la foi. Et tu dois y remédier. Et le croyant faible également, il se peut que la faiblesse de sa foi le conduise à se laisser aller dans les péchés, se laisser aller dans les mauvaises actions, à regarder ce qu'il ne doit pas regarder, à écouter ce qu'il ne doit pas écouter, à dire ce qu'il ne doit pas dire, à faire ce qu'il ne doit pas faire, ainsi de suite. Il a donc beaucoup de manquements dans sa pratique religieuse et dans son comportement. C'est pour cela que le croyant fort est meilleur et plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant faible. Ses bonnes actions sont plus nombreuses et ses péchés sont moins nombreux. Donc il est forcément meilleur et il est plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est une exhortation en réalité. Il ne faut pas prendre cela comme une simple information, mais ceci est une exhortation et un encouragement à faire en sorte d'être un croyant fort, de faire les causes pour renforcer ta foi. Et comment faire pour renforcer sa foi? La foi, elle se renforce en multipliant les actes de bien. Quelle est la définition de la foi? Les gens de science, parmi les gens de la sunna, nous ont défini la foi comme étant croyance du cœur, parole de la langue, acte du corps. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle augmente par l'obéissance à Allah. Elle augmente par l'obéissance à Allah. Plus tu obéis à Allah, plus ta foi augmentera. Plus tu es assidu à tes obligations, plus ta foi augmente. Plus tu ajoutes à cela des actes surérogatoires, plus ta foi augmente. Et elle diminue par la désobéissance à Allah. Elle diminue par les péchés. À chaque fois que tu commets un péché, c'est ta foi qui diminue. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une autre recommandation, et fais suivre la mauvaise action par une bonne qui l'effacera. Fais attention de ne pas te laisser aller dans les péchés, car si tu te laisses aller, ta foi va diminuer, diminuer, diminuer, ainsi de suite. Donc si tu fais un péché, tu reviens vite à Allah. Tu te repens. Tu le fais suivre d'une bonne action, afin que cette bonne action efface le péché, et afin d'entretenir ta foi. Tu dois être attentif à ta foi, ne pas la laisser diminuer. Dès que tu ressens une baisse de foi, tu dois te remettre en question, te ressaisir, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, faire un bilan avec toi-même, changer de comportement, délaisser les péchés, et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes actions. Mais bien cher frère, je pense que chacun de vous ressent en ces nuits une hausse de sa foi, en raison des efforts que chacun accomplit. Cette hausse de foi, tu dois la préserver. Ne laisse pas Ramadan se terminer sans veiller à entretenir ta foi qui est montée. Tu as aujourd'hui peut-être plus de facilité à faire le bien que tu as eu durant les autres jours qui sont passés. Pourquoi? Car tu as multiplié les efforts. C'est une conséquence de tes efforts. Ces efforts que tu fais durant ces nuits à rester éveillé, dans la prière, la lecture du Coran, le rappel d'Allah, l'apprentissage de la science profitable, ces efforts, ils font monter ta foi, bi'idhnillah. Également, tu t'écartes des futilités, tu t'écartes des péchés, donc ta foi, elle est préservée de la baisse. Et cela, il faut veiller à l'entretenir tout au long de l'année. Cette foi qui a monté, il faut essayer de la garder haute afin de rester parmi les croyants forts. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister en cela et de nous préserver de tout ce qui pourrait faire baisser notre foi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir dit que le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, il nous donne une précision importante et nous dit, et dans chacun d'eux, il y a du bien. Il y a du bien dans le croyant fort, mais il y a aussi du bien dans le croyant faible. Et il précise cela afin que l'on ne s'imagine pas qu'il n'y a aucun bien dans un croyant faible, afin qu'on ne le méprise pas. Car dans tout croyant, il y a du bien. Et aujourd'hui, il est faible, mais peut-être que demain, il sera fort, inshallah. Il va se ressaisir, il va se repentir à Allah. Il va se remettre sur le droit chemin, il va veiller à faire des œuvres de bien, donc ne le méprise pas. Et toi, peut-être qu'aujourd'hui tu es fort, mais que demain, ta foi va baisser et tu seras faible. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc dans chacun d'eux, il y a du bien. Dans tout croyant, il y a du bien. Aussi faible soit-il, quelle que soit sa situation, à partir du moment où il fait partie du nombre des croyants, les monothéistes, il sera toujours meilleur que quiconque parmi les mécréants. Et tu ne dois avoir aucun doute à ce sujet. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après cette exhortation, nous adresse une recommandation immense. Une recommandation très utile pour nous, qui est en réalité une recommandation que tu dois avoir en tête afin de la suivre dans ton quotidien. Il te dit, veille à ce qui est profitable pour toi. Cela paraît une évidence, mais pourtant, cela échappe à beaucoup de personnes. Veille à ce qui est profitable pour toi. Fais des efforts pour obtenir et accomplir ce qui est utile, ce dans quoi il y a un intérêt, un profit pour toi. Et ceci sous-entend également, et écarte-toi de ce qui est nuisible. Veille à ce qui est profitable et écarte-toi de ce qui te nuit. Car tout ce que l'on peut accomplir ici-bas est forcément d'une des trois catégories suivantes. Ou bien c'est une chose qui est profitable pour toi. Dans ce cas-là, tu dois veiller à l'accomplir. Comme la prière, la zakat, les aumônes, le jeûne surérogatoire, les prières surérogatoires, la bienfaisance envers les parents, et ainsi de suite, parmi les choses qui sont profitables. La deuxième catégorie de choses, c'est ce qui est nuisible pour toi. Et ça, tu dois veiller à t'en écarter. Les péchés, les mauvaises actions, la désobéissance à Allah, tout cela, tu dois veiller à t'en écarter, car cela est nuisible pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Et la troisième catégorie de choses, c'est ce qui n'est ni profitable, ni nuisible. Les choses futiles, les pertes de temps. Ce qui n'est ni en ta faveur ni en ta défaveur. Et le minimum que l'on puisse dire à ce sujet est que cela relève de la perte de temps pour le croyant. Et il est attendu du croyant qu'il fasse des efforts pour préserver son temps. Préserver son temps dans les œuvres de bien, préserver son temps dans les bonnes actions. Et non pas laisser ce temps si précieux être gaspillé dans des futilités qui ne te sont d'aucun profit ni ici-bas ni dans l'au-delà. Car chaque minute qui passe, c'est une minute qui te rapproche de ta mort. C'est une minute qui te rapproche de ton terme qui est fixé. Plus tu avances dans ta vie, plus tu te rapproches de la mort, tu te rapproches de l'au-delà. Tu es dans ce bas monde de passage et tu es en chemin vers l'au-delà. Donc ce temps qui passe, c'est du temps qui ne reviendra pas. C'est pour cela qu'il ne convient pas de le perdre dans des futilités, dans des choses qui ne te seront pas profitables dans l'au-delà, même si elles ne te sont pas nuisibles. Veille à préserver ton temps et à ne faire que des choses qui te sont profitables. Et toute personne douée de raison, toute personne qui recherche le bien et le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, elle se doit d'accepter ce conseil et cette recommandation de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et veiller à ce qui est profitable. Mais malheureusement, combien sont ceux aujourd'hui parmi nous qui ne tiennent pas compte de cette recommandation, qui passent une grande partie de leur temps dans ce qui ne leur est d'aucun profit, ou pire encore, qui passent leur journée et leur nuit dans ce qui leur est nuisible, ce qui est nuisible pour leur religion, sans se rendre compte de la valeur de ce temps. Regardez le temps que nombre de personnes passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin de mettre un chronomètre, vous avez juste à aller dans les paramètres de vos téléphones et regardez le temps que vous passez sur ces réseaux. Regardez le nombre de temps dans une journée. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et je ne sais quoi. Fais le calcul. Ensuite, regarde le temps que tu mets pour lire une page de Coran. Une page. Parle pas d'un hizb ou d'un juz, une page. Regarde le temps que tu mets pour lire une page de Coran. Et fais le calcul combien de pages tu aurais pu lire au lieu de passer ce temps sur ces réseaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith le mérite de la lecture du Coran. Pour chaque lettre, il y a une hasana. Et la hasana en vaut 10 semblables à elle. Je ne dis pas que alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre, mim est une lettre. Donc combien de hasanats tu perds lorsque tu passes ton temps sur ces réseaux à lire des choses futiles, au minimum, au pire encore, des choses nuisibles, des choses interdites, et des péchés au sujet desquels tu auras à rendre des comptes devant ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc sans cesse te rappeler de ce conseil de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Veille à ce qui est profitable pour toi, que ce soit dans tes affaires mondaines ou dans tes affaires religieuses. Dans tes affaires mondaines aussi, veille à ce qui est profitable. S'il y a une chose qui n'est pas utile, délaisse-la. Et fais toujours prévaloir le profit le plus grand. Surtout lorsque sont en conflit un profit religieux et un profit mondain. Dans cette situation, il te convient de toujours faire prévaloir le profit religieux. Car le profit religieux, elle va faire monter ta foi. Et va te faire entrer dans le nombre des croyants forts. Et si ta religion est bonne, forcément tes affaires mondaines seront bonnes, inshallah. Car Allah n'abandonne pas son serviteur. Mais celui qui fait prévaloir la vie d'ici-bas et ses plaisirs éphémères, et ses richesses éphémères, au détriment de sa religion, alors lui, il risque de perdre les deux. Car le fait de faire prévaloir la vie d'ici-bas fait descendre sa foi. Et cette baisse de foi, elle entraîne une négligence dans les œuvres de bien et un laisser-aller dans les péchés et les mauvaises actions. Et en plus de cela, il se peut qu'il soit privé de ce bien, de cette dunya, ce bas monde éphémère qu'il souhaitait obtenir. Donc veille à ce qui est profitable pour toi. Fais toujours prévaloir ce qu'il y a de meilleur, de plus utile, ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, et implore l'aide d'Allah. Et ça également, c'est une recommandation d'une grande importance. Implore l'aide d'Allah. Car est-ce que tu peux veiller à ce qui est profitable pour toi sans l'aide d'Allah? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Si Allah ne te guide pas vers ce qui est profitable, tu ne peux pas être guidé vers cela. Donc tu as besoin de l'aide de ton Seigneur pour être guidé vers cela et pour pouvoir le mettre en pratique. Pourquoi dans Sourate Al-Fatiha on dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Car sans l'aide d'Allah, nous ne pouvons pas l'adorer. Nous avons besoin de l'aide d'Allah pour pouvoir adorer Allah. C'est pour cela que nous implorons son aide. Et tu implores l'aide d'Allah pour veiller à ce qui est profitable pour toi. Tu lui demandes de t'aider à ne faire que ce qui est profitable et à te préserver de ce qui est nuisible. Et ça, c'est d'une grande importance de toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et qu'il raffermisse ton cœur sur sa religion. Qu'il t'écarte des choses qui pourraient porter atteinte à ta foi et la faire baisser. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous adresse cette recommandation ici, afin que celui qui fait partie des croyants forts, qui veille toujours à ce qui est profitable pour lui, il se rappelle qu'il n'a pu atteindre cet objectif qu'avec l'aide de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Qu'il ne soit pas pris de vanité. Qu'il ne soit pas pris d'orgueil. Qu'il ne méprise pas les autres. Car il se peut que celui qui passe son temps dans l'adoration d'Allah, il s'enorgueillisse. Notamment en ces jours où certains, alhamdulillah, sont occupés dans le bien et les bonnes actions et d'autres sont peut-être plongés dans les péchés et la désobéissance. Il se peut qu'une personne soit prise de vanité en raison de cela. Elle regarde ceux qui sont plus faibles qu'elle, elle les méprise et s'enorgueillit. Et ça, c'est un des pièges du diable. Tu dois toujours te rappeler que ces bonnes actions que tu as faites, tu n'as pu les faire que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui t'a guidé vers celle-ci. C'est Allah qui t'a donné la force de les faire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé at-tawfiq, qui t'a accordé la réussite, qui t'a guidé vers cela. Donc ne sois pas pris de vanité. Et n'oublie pas d'implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses. Même pour les choses simples. Tu as besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne serait-ce que pour nouer tes lacets, tu as besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc implore son aide. Et ne pense pas que tu peux réussir à atteindre un objectif sans l'aide de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et ne faiblis pas. Veille à ce qui est profitable pour toi. Implore l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Reste ferme sur cela. Persévère dans les œuvres de bien. Ne les repousse pas. Ne les délaisse pas, ne les abandonne pas. À partir du moment où tu as compris que tu avais un objectif à atteindre, un objectif qui est le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, un paradis éternel, un paradis rempli de délices, un paradis dans lequel tu ne connaîtras plus aucune fatigue, plus aucune douleur, plus aucun souci, plus aucun chagrin, plus aucun malheur, que du bonheur, pour y demeurer éternellement. C'est cela ton objectif, donc ne faiblis pas. La vie, elle est courte. Demain, tu seras sous terre avec tes œuvres. Donc veille à ce qui est profitable pour toi. Implore l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Reste ferme sur cela. Lorsque tu commences une chose, ne l'abandonne pas. Combien sont ceux, malheureusement, qui, parfois, sont pris d'enthousiasme durant un certain temps, puis abandonnent. Ils commencent à prier la nuit, puis ils abandonnent la prière de nuit. Ils commencent à étudier la science, à assister à des assises de science, puis ils les délaissent. Ils commencent à lire un livre, puis ils ne le finissent pas. Ils commencent à lire le Coran, puis ils ne le clôturent pas. Et ainsi de suite. Combien sont ceux qui commencent des œuvres et ne les terminent pas? Et ceci est une forme de faiblesse. Donc veille à ce qui est profitable pour toi. Implore l'aide d'Allah. Et passe la troisième étape, qui est de ne pas faiblir, de persévérer dans le bien. Et notamment, à la fin de ce mois, comme on l'a dit. Ne faiblis pas, tu as fait beaucoup de bien, mashallah. Tu es venu à la mosquée, tu as veillé, tu as prié la nuit, tu as jeûné durant ce mois, afin de profiter de la grâce divine, du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin d'être affranchi du feu de l'enfer. Donc ne faiblis pas après cela, reste ferme, persévère dans les œuvres de bien, aie dès maintenant la volonté de continuer. Je ne dis pas que tu vas continuer de veiller de la même manière que tu l'as fait durant ces nuits, mais au moins, veille à préserver une part de prière de nuit, une part de lecture du Coran, une part de jeûne, et ainsi de suite. Veille à ce qui est profitable pour toi, implore l'aide d'Allah et ne faiblis pas, ne sois pas pris de paresse, et ne repousse pas toujours tout au lendemain. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège du diable, qui est de toujours repousser à taswif. Je ferai demain, demain, demain. Demain je vais apprendre à lire l'arabe. Demain je vais apprendre à lire le Coran. Demain je vais lire le Coran. Demain je vais mémoriser. Les années passent, il n'a toujours rien appris, il ne sait toujours pas lire, il n'a pas lu le Coran, il ne l'a pas terminé, il n'a pas étudié la science. Pourquoi? Demain. Demain je vais commencer. Combien sont ceux à tomber dans ce piège du diable, d'avoir de faux espoirs? Demain tu ne sais même pas si tu seras vivant. Il se peut que demain, on prie sur toi. Donc œuvre aujourd'hui, n'attends pas demain. Œuvre aujourd'hui, afin de mourir sur le bien. Et lorsque tu entreprends une chose, reste ferme sur celle-ci, ne la délaisse pas. Ne te laisse pas non plus tromper par le diable qui va te distraire vers une autre œuvre, notamment dans l'étude de la science. Il dit « je veux étudier un livre de croyance ». Il commence un livre, il commence à l'étudier, le diable vient à lui et lui dit « mais il y a un cours de fiqh aussi ». « Ah oui, c'est vrai, je vais l'apprendre, je vais aller suivre le cours de fiqh ». Il délaisse le cours de croyance, il va dans le cours de fiqh. Et ainsi de suite. Également dans la mémorisation. Il commence à apprendre une salat, il apprend les 2-3 premiers versets. Ah, j'ai envie d'apprendre celle-là finalement. Il va apprendre une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et les années passent, il n'apprend rien en réalité. Et ça, c'est une forme de faiblesse. Donc veille à ce qui est profitable pour toi. Implore l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Reste ferme, ne sois pas pris de paresse. Et lorsque tu entreprends une chose, veille à la terminer et à ne pas la délaisser. Ceci était donc une recommandation immense de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à la mettre en pratique et de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.